Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 91e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacré à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons l'étude du dialogue que nous avons commencé au cours des dernières semaines en nous intéressant à une nouvelle question de Khalid à Mohammed. Après avoir interrogé Mohammed sur le nombre et la nature des prières quotidiennes prescrites par l'islam, Khalid lui demande des précisions sur la prière de l'aube qui s'accomplit avant le lever du soleil. Kam rak'atan salatu as-subh? Rak'atan. La nouvelle question de Khalid est donc composée de quatre termes. Kam, qui est un pronom interrogatif qui correspond en français à l'adverbe combien. Rak'a, qu'on peut traduire en français par unité de prière et qui correspond à une série d'actions accomplies de manière répétitive dans la prière rituelle des musulmans, comme le fait de se tenir debout, de s'incliner, de se prosterner et de s'asseoir, en récitant dans chacune de ces positions des invocations ou des versets du Coran. Salah, qui désigne la prière rituelle accomplie par les musulmans. As-subh, qui signifie aube, c'est-à-dire le moment où apparaissent les premières lueurs du jour. Nous avons donc ici deux constructions qui sont juxtaposées dans cette phrase. Kam rak'atan, qui signifie combien d'unités de prière, et Salat al-Subh, qui signifie la prière de l'aube. Si on assemble ensuite ces deux constructions, on obtient combien d'unités de prière, la prière de l'aube. Dans le contexte du dialogue, et malgré l'absence de verbe dans ce type de phrase nominale, on peut comprendre facilement le sens de la question de Khalid. Kam rak'atan Salat al-Subh? De combien d'unités est constituée la prière de l'aube? Ou encore, combien y a-t-il d'unités dans la prière de l'aube? Intéressons-nous maintenant à la réponse de Mohammed, qui n'est constituée que d'un seul mot. Rak'atan, qui est la forme duelle du nom Rak'a, qui désigne une unité de prière et signifie donc ici deux unités de prière. Pour rappel, le duel, al-muthanna, est une notion de quantité qui se réfère à deux éléments et qui se place donc entre le singulier, al-mufrad, et le pluriel, al-jam'a, qui débute à partir de trois éléments. On le forme en ajoutant à sa terminaison les lettres Alif et Noun lorsque le nom est au cas régulier de déclinaison et les lettres Ya et Noun lorsqu'il est au cas direct ou indirect. Cette phrase est donc composée d'un seul mot et peut sembler incomplète puisque nous avons appris que la phrase nominale en arabe littéraire nécessite la présence d'au moins deux éléments. Al-Mubtada, qui est le sujet de la phrase nominale, et Al-Khabar, qui est une information qu'on apporte sur le sujet pour donner son sens à la phrase. Dans cette phrase nominale, le sujet est sous-entendu car le contexte permet de l'identifier sans le nommer explicitement. Mohammed a donc répondu simplement « Rak'atan » qui signifie « deux unités de prière » en voulant dire « Salatu subhi rak'atan » c'est-à-dire « la prière de l'aube est composée de deux unités » ou encore « Hiya rak'atan » c'est-à-dire elle est composée de deux unités. Cette manière de s'exprimer est courante en arabe littéraire lorsqu'on répond à des questions simples, comme par exemple lorsqu'on demande son nom à quelqu'un en disant « Ma asmuk » qui signifie « Quel est ton nom ?». L'interlocuteur peut alors choisir de donner la réponse complète en disant par exemple « Ismi Omar » qui signifie « Mon nom est Omar » ou simplement « Omar » en indiquant seulement l'information demandée puisque le sujet est clairement identifié par le contexte. Voilà pour aujourd'hui, ce 91e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, Inch'Allah, vendredi avec le 92e mini-cours qui sera consacré aux questions de grammaire contenues dans ces deux répliques de Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.